gentil, c'est vrai aussi. Et voilà maintenant j'en rougis. Me croirais-tu si je te promettais des mondes et merveilles, des contes de fées? C'est tout ce que l'on peut glaner au fil des années. Laissez faire pour moi sans faire, peut-être défaire. C'est pour apprendre à s'aimer. C'est juré, j'ai fini de jouer. J'ai plus besoin de ça pour t'aimer.